Branché sur l'actualité de la Mauricie. Vous écoutez Que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier. Que la Mauricie se lève. 6h34, 819-376-1069 si vous avez envie de discuter. Sinon, je vous souhaite une excellente année 2019. Si 2018 a été plutôt moyenne, c'est derrière maintenant, la bonne nouvelle, et c'est qu'on a l'occasion de refaire ça de la bonne façon avec l'arrivée de la nouvelle année. C'est moins 14 degrés centre-ville Trois-Rivières avec le refroidissement éolien, ça nous mène aux alentours de moins 21. Et effectivement, c'est assez froid ce matin à l'extérieur et une petite couche de neige également, là, à peu près un 4 cm qui est tombé, peut-être 2 dans votre secteur, là, ça varie en quelque part aux alentours de ça, dis-je. Donc, soyez prudents ce matin, on veut vous savoir au rendez-vous. Également, que la Mauricie se lève pendant la période des fêtes, c'est Mathieu qui est libre, parce que d'habitude, c'est Raphaël qui est libre. Là, il est vraiment libre parce qu'il n'est pas dans l'émission du matin. On le retrouve ce midi pour le best-of 2018 du 106.9 Mauricie. Voici donc Mathieu libre. Et encore une fois, je t'appelle Catherine dans l'intro. Catherine le matin. Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Raphaël Libre. C'est toujours mon doublage. On va l'avoir un jour. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'alcool. Ah, arrête donc. Je te jure, on parle d'alcool parce qu'on dit que plus il fait froid, plus on boit l'alcool. Ah, il faut se réchauffer. C'est ça. Il faut se mettre chaud. Tu l'as dit, moins 21, c'est froid. On a besoin de boire un petit peu. Voilà. Donc, c'est la conclusion d'une étude menée par des hépatologistes américains qui espèrent que leurs travaux aideront à mettre en place des politiques de santé publique plus ciblées et plus efficaces un jour. Donc, des travaux menés par les chercheurs de l'Université de Pittsburgh aux États-Unis qui seraient plus liés aux consommations climatiques locales qu'à une situation sociale. Ces médecins, donc hépatologistes, qui s'intéressent aux maladies du foie, des voies biliaires et de la rate, avancent en effet que la consommation d'alcool a tendance à augmenter à mesure que les températures et l'ensoleillement diminuent. Ah oui, hein? Mm-hmm. On souligne que les chercheurs ont pris soin de nettoyer autant que possible leurs statistiques des autres facteurs connus pour influencer la consommation de l'alcool. Par exemple, dans le monde arabe, on ne consomme pas d'alcool pour des raisons religieuses, donc on a fait un petit ménage dans les données là-dessus. Les résultats de l'équipe de l'Université de Pittsburgh restent les mêmes, y compris en excluant ces pays majoritairement de confession musulmane. Pour les expliquer, ces résultats-là, les chercheurs avancent le fait que l'alcool est un vasodilatateur. Hein, qu'est-ce? Ça augmente le débit sanguin. Tel flux de sang chaud circulant sous la peau, peau qui regorge de capteurs de température, augmente la sensation de chaleur. Par ailleurs, la consommation d'alcool est régulièrement liée à des états dépressifs, on se le cachera pas, à des états qui ont tendance à se multiplier ou à s'aggraver lorsque le soleil se fait rare et que les températures baissent. Ça a du sens. Quand l'automne arrive et comment ils appellent ça, donc la dépression saisonnière. Exactement. Hein, peut-être que c'est ça. Tu sais, à la place de t'acheter une lampe de luminothérapie, là. Tu t'achètes quoi, un 40 ans? C'est ça. Que tu veux dire? C'est exactement ça. Un résultat qui pourrait permettre de concentrer les efforts de politiques publiques, y compris au sein d'un pays, de lutte contre l'alcoolisme et les maladies qui s'y rattachent sur les zones géographiques les plus climatiquement à risque. On va rester sur l'alcool. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on doit coucher les bouteilles de vin? Je savais même pas qu'on devait les coucher. Fait que, tu les bois couchés. Excuse-moi, ouais, c'est ça, dans ton lit. Non, mais écoute, je suis tellement peu connaisseur que je ne savais pas ça. Toutes les fois où j'ai vu des gens en boire, c'était debout. Ouais. Est-ce que tu bois du vin? Très peu. Ouais. Non, je préfère le vin à la bière, mais j'en bois pas beaucoup non plus. Ouais, c'est... Non. Non, c'est pas mon affaire. Le mal de tête que ça me donne après. C'est vrai avec les sulfites, là, honnêtement, effectivement. Bref, c'est généralement conseillé de garder ces bouteilles de vin couchées, nous dit-on. C'est pour éviter l'oxydation du vin, un principe qui s'applique que pour les bouteilles fermées, et qui ne s'applique que pour les bouteilles fermées avec des bouchons de liège et non pas les autres sortes de bouteilles. Tu sais, les bouteilles qui sont moins chères, des fois, c'est des bouchons... Oui, twist cap qu'on appelle, mais exactement. Donc ça fonctionne pas pour les twist cap? Non. C'est le goût du bouchon moisi qui vient d'une molécule qui s'appelle le trichloroanisole, le TCA. Celle-ci s'attaque donc au bouchon d'abord, puis ça altère le vin dans la bouteille. Donc c'est pour ça que c'est seulement les bouchons de liège. Peu importe que ce dernier, le vin se retrouve en contact direct ou non avec le bouchon. On parle donc uniquement des bouteilles fermées avec des bouchons de liège. Les autres ne sont pas attaqués par les TCA et donc on peut les garder debout. C'est ce que ça veut dire, les bouteilles donc à bouchons. Donc les twist caps debout, puis celles avec des bouchons de liège, c'est couché. C'est exactement pour un meilleur ça. Goût et pour les bactéries. C'est ça. T'as tout compris? OK. Wow. Donc, s'il est conseillé de coucher ses bouteilles de vin, c'est parce qu'il est important que le bouchon, lorsqu'il est en liège, reste en contact avec le vin. C'est pour ça, donc, en mettant sur le côté, le vin vient toucher au bouchon. Sinon, le bouchon pourrait s'assécher et se rétracter, voire même s'effriter. La bouteille perdrait alors de son étanchéité et le vin risquerait de s'oxyder. On dit, par contre, il y en a qui font ça, mais ça sert à rien de faire la rotation des bouteilles comme il y en a qui font la rotation des pneus. Là, ouais. Du matelas, je pense. Ah oui, il y a des gens qui font ça? Des vrais fans. Mais faudrait que quelqu'un m'explique. Si vous avez la réponse, 819-376-1069, parce que là-dessus, je comprends pas. Ça que ta couche pour le goût et tout le reste, bon, je peux comprendre. Mais que tu décides, bon, mais la 1, je vais la mettre à la place de la 3, puis la 2 à la place de la 1. Puis prends des notes, sûrement. Il y a sûrement de dessin. Je comprends pas. Sur un tableau de liège. Il me manque quelque chose. Ouais, c'est ça. Il me manque quelque chose, visiblement, une information quelque part. Et moi, j'aime beaucoup les vins, pas les vins, mais les alcools un petit peu plus. Bon, on appelle ça muté. Moi, je connais pas ça, mais le Porto, entre autres. OK. Je connais pas le Mori. Le fendant, tu vas dire. Le ça. Fendant. L'alcool c'est fendant. Bon, ce Porto, par contre. Bref, c'est des exceptions qui confirment la règle et ils gagnent à être gardés verticalement. On dit que les champagnes et les autres vins effervescents, donc avec des petites bulles, devraient également supporter une conservation verticale parce que le gaz qui s'en échappe lentement suffit à humidifier le bouchon. Ah oui? On aime ça quand ça s'humidifie le bouchon. Pourtant, les professionnels conseillent de les conserver aussi à l'horizontale. Certaines études laissent supposer qu'il serait même préférable de conserver les bouteilles de vin dans une position oblique. Afin d'assurer qu'une partie du bouchon reste en contact avec la poche d'air qui aura fait la bouteille. Mais là... C'est ça... Kamasutra, ton affaire, ou c'est ça? Ça va demander un petit projet de construction là, pour faire tenir tes bouteilles en diagonale. Ouais. Fait que si pas j'ai bien compris, pour être certain de ton affaire, mm-hmm. Okay, tu bois, tu mets ta bouteille à la verticale, tu la consommes en oblique pour finir à l'horizontale. Toi-même, c'est exactement ça. Hey, t'as tout compris. Ben, coudonc. J'avais un dernier sujet. Est-ce que tu veux parler de lait de poule un peu? Lait de poule. Non, mais. Ben après le vin, on peut bien. Ça peut être alcoolisé du lait de poule. C'est très bon, je te jure. Ben non, arrête, c'est dégueulasse. Lait de poule qui est servi à l'occasion des fêtes de fin d'année, ça peut être consommé chaud, ça peut être consommé tout l'hiver, pas juste pendant les fêtes. Donc, c'est bien populaire. J'ai hâte de voir comment tu vas récupérer ça parce que. Ça risque d'être bon. Moi, en tout cas, ça me donne soif. Il y a beaucoup de recettes de lait de poule. Est-ce que tu connais les ingrédients du lait de poule? Ben, probablement poule. Lait, c'est ça. du lait et des œufs, c'est pour ça poule. Tu comprends? Des œufs. OK, c'est pas du vrai lait de poule. La poule donne pas du lait. Non, malheureusement, désolé de défaire tes rêves. Ben non, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une blague. Là. Ouais, c'est pas complètement insignifiant. après ça, on peut ajouter, selon les goûts, de la crème, du sucre, des épices, des arômes comme la muscade, cannelle, orange, vanille. Et même, on pourrait rajouter du rhum, du bourbon ou du whisky. Il y a même des versions, ça va être ça, des versions instantanées du lait de poule. Ah oh non, du café made version lait de poule? Genre. Ah ouais, hein? Dégueulasse. On dit donc qu'au 18e siècle, il n'était pas rare que les médecins prescrivent du lait de poule à leurs patients. Pourquoi? Les aider à lutter contre les affres de l'hiver. On disait tantôt, l'hiver mal saisonnier. Hein? La boisson est reconnue comme un fortifiant et un reconstituant naturel. Elle se consomme en effet traditionnellement très chaud. Moi, j'avais jamais entendu parler de lait de poule chaud de ma vie. Toujours froid. Okay, et toujours un verre, tu te tannes. Si t'achètes un 2 litres de lait de poule à l'épicerie, là, tu fais comme moi, j'ai compris. Ça va aller. Bref, ça aide apparemment notre corps à éliminer les toxines et autres microbes tout en lui apportant une chaleur souvent bienvenue pendant la saison froide. Donc, une bonne solution contre les coups de fatigue, nous dit-on. On dit de faire attention parce que le lait de poule, dans le passé, pouvait aussi être apprécié pour son côté nourrissant, mais ça peut aujourd'hui apparaître un peu comme gras et calorique. À consommer, donc, avec modération. Ben, j'imagine effectivement que ça doit être assez gras. On se tanne tellement vite. Sérieux, c'est beaucoup trop sucré. Je sais pas si c'est les recettes de certaines compagnies qui font des laits de... Tu sais, parce que c'est pas, je les fais pas à la main. On a déjà établi que je cuisinais pas. Mais acheter tout fait... Tu m'avais l'air d'un grand chef. Oui, c'est ça. Tu sais... Hein? Non, vraiment pas. J'aime laisser les autres me convaincre de leur talent. Ben oui, mais c'est ça. Chacun son département. Tu sais, toi, t'es goûteur, c'est bien correct. C'est ça. Ça prend quelqu'un pour faire ce job-là. Moi aussi, je fais une rotation sur moi-même en mangeant. Voilà. Ou en buvant. Voilà, c'est tout pour mon alcool aujourd'hui. Ben merci, 6h42. Un autre pas en avant pour l'humanité, certainement. C'est sûr. Donc, moins 14 degrés centre-ville, Trois-Rivières. Si on regarde dans les différents secteurs, la chaussée est enneigée à peu près partout. La visibilité, cependant, est bonne à peu près partout également. Donc, moins 14 à Trois-Rivières, moins 21 avec le refroidissement éolien. C'est moins 13 du côté de la Rive-Sud, ce qui nous mène à moins 20. Et moins 13 également à Shawinigan, ce qui nous mène à moins 19 degrés. On vous souhaite un très bon début de 2019. On est là aujourd'hui et demain que la Mauricie se lève. Avant-dernière et dernière édition du temps des fêtes avant le retour de Catherine lundi prochain, le 7 à 6h43. Je vais vous faire entendre ça parce que L'une des grandes déceptions que j'ai eues dans le temps des fêtes, c'était de voir performer l'équipe canadienne de hockey junior. J'ai eu l'occasion cette année de regarder parce que dans les dernières années, ça avait moins été le cas. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire et ça a mal tombé, on va le dire comme ça, parce qu'on avait un capitaine québécois, Maxime Comtois, des Voltigeurs de Drummondville, pour la deuxième fois en 20 ans seulement. Tu veux pas Comtois, comme on dit. Hein, tu veux pas Comtois. Je vais poursuivre là-dessus. Il y avait quand même quelques éléments de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec qui étaient intéressants de surveiller.